boucle temporelle. Reflet du miroir, je vois des souvenirs flous, des éclats de vie, des moments doux. Mais la mémoire s'efface comme un dessin sur le sable. Et la vie recommence, insensiblement inévitable. Mémoire courte, vie en boucle, comme un disque rayé, on recule. Les jours se répètent, les rêves s'écoulent. Dans ce cycle sans fin, on bascule. Les saisons passent, les feuilles tombent. Les mêmes erreurs, les mêmes ombres. On avance, on recule, on tourne en rond. Comme une horloge cassée, sans raison. Mémoire courte, vie en boucle, comme un disque rayé, on recule, les jours se répètent, les rêves s'écoulent, dans ce cycle sans fin, on bascule. Les visages changent, mais les histoires restent. Les mêmes chapitres, les mêmes quêtes. On oublie, on recommence, on se perd dans ce labyrinthe sans repère. Mémoire courte, vie en boucle, comme un disque rayé. On recule, les jours se répètent, les rêves s'écoulent dans ce cycle sans fin. On bascule. Les rêves s'effacent comme des étoiles filantes. Les espoirs renaissent, mais sont souvent décevantes. On recherche des réponses, on trouve des questions dans ce cercle vicieux sans solution. Mémoire courte, vie en boucle, comme un disque rayé, on recule, les jours se répètent, les rêves s'écoulent, dans ce cycle sans fin, on bascule. Les souvenirs s'effacent comme des traces dans la neige, les mêmes chemins, les mêmes pièges. On tourne en rond dans ce manège, cherchant la sortie sans privilège. Mémoire courte, vie en boucle, comme un disque rayé. On recule, les jours se répètent, les rêves s'écoulent dans ce cycle sans fin, on bascule. Les années passent, mais rien ne change. Les mêmes erreurs, les mêmes échanges. On oublie la guerre, plus jamais ça. Mais tout recommence, mémoire effacée, et voilà. Mémoire courte, vie en boucle, un disque rayé. On recule, les jours se répètent, les rêves s'écoulent. Dans ce cycle sans fin, on bascule. Mémoire courte, vie en boucle.